Vous suivez la radio Isanganiro, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition en langue française. Tout d'abord les titres. Au Burundi, se tient une réunion de la 20e sommet des chefs d'État de la communauté sud-africaine. Parmi les présidents qui sont arrivés, il s'agit du président Paul Kagame, rwandais, ougandais, le représentant du président sud-soudanais et les autres, à savoir Samia Suluhu de la Tanzanie. Et le ministre de l'Intérieur et du Développement communautaire et de la Sécurité publique demande aux autorités administratives et policières de sanctionner les élèves qui cherchent des herbes pour nourrir leurs bêtes dans les chats des autres. Et le bureau burundais de normalisation BBN va bientôt mettre en place les lois dans le but de sanctionner les stations qui ne distribuent pas la qualité suffisante de carburant. Voilà pour les titres. Et le Kuimana assure la mise en œuvre de Jean-Marie Mayonga à la présentation. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page politique, accueil des dirigeants de la communauté sud-africaine à partir de 11h du matin de ce samedi à Nari House. Ils viennent participer dans le 20e sommet des chefs d'État de la communauté sud-africaine qui va soutenir la Bujumbura au Burundi. Ce sommet sera centré sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ceux qui sont déjà à Nari House sont le président rwandais Paul Kagame, le président ougandais, le représentant du président sud-soudanais et le président kenya et Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie. Une réunion qui va se tenir à huis clos. Le bureau burundais de normalisation BBN va bientôt mettre en place les lois dans le but de sanctionner les stations qui ne distribuent pas la qualité suffisante de carburant. Severin Sindai Kengera, directeur de BBN, précise que les pompes utilisées dans les stations-service au Burundi ne sont pas archaïques, tout en précisant qu'ils vont sensibiliser les propriétaires de ces stations d'acheter les pompes modernes. Suivez-le. Nous avons montré d'autres choses qui nous préoccupent et sur le management de la qualité. Et je ne dois pas oublier surtout l'intervention du directeur de la normalisation et météorologie et qui a signalé la problématique sur le contrôle des pompes aux stations et aussi des balances au marché. Et là, nous avons signalé que nous sommes là, nous sommes en train de préparer une ordonnance qui va nous aider à résoudre tous ces problèmes. L'aménagement du territoire doit tenir compte de son impact environnemental et appelle d'Albert Mbonerané, ami de la nature, lors de la plantation des bambous pour protéger le ravin survenu lors de la viabilisation du quartier Ngengabusoro en zone Kanyosha ce vendredi. Quant à Epaphrodite Semiami, expert en finance rurale au sein du projet PAIFAR-B, le Fonds international de développement agricole a opté pour la sensibilisation des microfinances et pour que les approches programmes exécutés par ces dernières soient sensibles au changement climatique au Mendoï. Les activités d'échantillonnage se sont déroulées sur le ravin survenu au quartier Ngengabusoro par le projet PAIFAR-B, financé par le Fonds international de développement agricole. Ce ravin, d'au moins 7 mètres de largeur et 7 mètres de profondeur, achemine les eaux usées depuis Ngengabusoro, le quartier nouvellement aménagé, vers le lac Tanganyika. Epaphrodite Semiami, expert en finance rurale au sein du projet PAIFAR-B, explique que le FIDA à songer aux microfinances afin de sensibiliser ces institutions à être sensibles au changement climatique. L'idée de cette activité, c'est d'abord lancer un coup d'envoi, sensibiliser les institutions partenaires pour qu'ils mettent en avant les actions, le financement des projets qui se veulent dans l'environnement. Ceux qui exercent leurs activités agricoles près de ce ravin ne sont pas sûrs de la durabilité de l'initiative de planter les bambous pour protéger ce ravin et demandent plutôt la réhabilitation. Avis partagé avec Albert Mboneranné, ami de l'environnement, qui appelle ceux qui sont impliqués dans l'aménagement du territoire à penser aux impacts à suivre après l'aménagement des espaces urbains. Si vous voulez monter un projet, il faut d'abord faire ce qu'on appelle étude d'impact environnemental et social. Mais si vous avez une idée comme ça et puis vous dites on va tracer un canal, etc., sans avoir pensé comment les eaux qui vont passer, quelle est la destination de ces eaux, vous risquez de vous retrouver devant une situation. Donc c'est une question de bonne planification et puis plutôt en matière de l'environnement. Tant qu'il n'y a pas une étude d'impact environnemental et social, ça risque d'être un problème. Le réseau des institutions de microfinance se dit satisfait des sensibilisations, comme l'affirme Marie-Louise Kamikazi, son directrice exécutive. Omer Douaye, page justice à présent. 14 personnes ont été arrêtées ce vendredi par la police en collaboration avec l'administration. C'est sur la colline Murengeza de la commune Mhanda dans la province de Bubanza et elles ont été conduites au cachot du commissariat communal. Selon les témoins sur place, 13 de ces personnes étaient entrées de boire une boisson prohibée appelée Mudring. Une autre est le commerçant. Dans la même maison, plus de 100 litres de cette boisson étaient déversés par terre et d'autres matériels utilisés pour sa fabrication était saisi et l'administration demande à la population d'en découdre avec le commerce de boissons de ces boissons prohibées par la loi. Isanganiro, la radio de l'avenir. Radio Isanganiro, journal continue. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire, de la Sécurité publique demande aux autorités administratives et policières de sanctionner les éleveurs qui cherchent des herbes pour nourrir leurs bêtes dans les champs d'autrui. Martin Niteletse qualifie cela du vol qualifié, arguant qu'il en a qui vivent du commerce des herbes. Il a dit ce vendredi lors d'une rencontre avec la population d'Ongodzi et des agriculteurs Apollinaire Muzagar. L'un des participants dans cette réunion a évoqué le problème qui hante les éleveurs et agriculteurs d'Ongozi. Bon nombre d'éleveurs cherchent, selon son citoyen, des herbes dans les propriétés des particuliers et causent souvent des conflits entre les deux parties. Il le dit au moment où pas mal de ménages d'Ongozi possèdent des vaches, chèvres et moutons, alors qu'ils n'ont pas cultivé des herbes et n'ont même pas des propriétés foncières suffisantes réservées à cette activité. Des fois, des plantes de maïs, haricots et autres sont volées par ces chercheurs d'herbes. D'après le ministre Martin Niteletse demande aux responsables administratifs et policiers de sanctionner ces derniers au même titre que les voleurs de bananes et autres, qualifiant cela de vol qualif. Martin Niteletse le dit au moment où des cas pareils se commettent tous les jours en Ngozi, mais la justice semble considérer cela comme une simple affaire et non comme une infraction. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Quittons la province de Ngozi pour nous rendre dans la province de Gitega où le directeur général de l'agriculture indique que les fertilisants liquides qui sont en train d'être commercialisés à Gitega sont faits en violation de la loi. Vestine Nyandwi demande l'intervention des responsables des secteurs agricoles, de la police et de l'administration pour éradiquer ce commerce. Propos tenus ce vendredi à Gitega lors d'une réunion organisée par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage et des cadres de ce ministère en intention des responsable du secteur agro-pastoral et de la population de Gitega, Gérard Nibigir. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega, Oscar Uikunze, fait savoir qu'il a des inquiétudes liées à la commercialisation des fertilisants liquides qui se fait actuellement en province de Gitega, alors que l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, ne s'est pas encore exprimé sur ce genre de fertilisant. Il veut savoir si oui ou non ce type de fertilisant est autorisé au Burundi. À propos, le directeur général de l'agriculture, Madame Vestine Nyandwi, indique que le cas d'utilisation des fertilisants liquides a été aussi évoqué dans la province Karusi. À elle donc de signaler qu'au Burundi, l'Isabou n'a pas encore annoncé l'existence d'un fertilisant liquide à vulgariser à travers les agriculteurs. Elle a aussi souligné qu'elle a dernièrement donné un message à tous les directeurs des bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, les appelant à collaborer avec la police et l'administration pour saisir tous les fertilisants liquides qu'ils trouveront sur le marché de leur localité. De son côté, le directeur général de l'Isabou, Alfred Niokwishimira, précise que cet institut n'a encore fait aucune recherche sur les fertilisants liquides. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la radio Isanganiro. Merci à Jérémy Bigira. Quittons la province de Gitega pour nous rendre dans la province de Bururi où on nous parle de la recrudescence des cas de vol au chef-lieu de la province de Bururi dans les ménages et au marché. Depuis plus de deux semaines, deux télévisions, plus de 20 couvertures et d'autres objets ont été déjà volés. Félix Niongawa, administrateur de la commune de Bururi, fait savoir qu'en collaboration avec la quadrilogie, trois voleurs ont été déjà appréhendés et certains des objets volés ont été saisis. Cette autorité administrative appelle toute la population à travailler dans cette quadrilogie pour éradiquer ces cas de vol. Zeno Nzambimana. Les habitants du chef-lieu de la province de Bururi disent qu'ils sont dans une peur panique suite aux voleurs qui sillonnent pendant la nuit dans les ménages du quartier Gisuru, Kigwati et Rumonyi. Depuis plus de deux semaines, deux télévisions, les draps et les habits ont été déjà volés, ainsi que 22 couvre-lits volés pendant la nuit dans une boutique au marché de Bururi. Félix Niongabo, l'administrateur de la commune de Bururi, fait savoir que 8 couvertures sur 22 volés ont été déjà saisies et remises aux commerçants propriétaires de cette boutique et les enquêtes ont déjà montré que ces couvertures avaient été volées par le veilleur de ce commerçant qui les avait déjà vendues. Ce veilleur, de même que deux autres présumés auteurs de ce vol au marché de Bururi, ont été déjà arrêtés et conduits au cachot de la police à Bururi pour réseau d'enquête. Cela grâce à la quadrilogie, selon toujours Félix Niongabo, qui salue déjà la contribution de certains de la population. Cette autorité administrative appelle tous les habitants du chef-lieu de la commune Bururi, sans exception aucune, à travailler dans la quadrilogie afin d'éradiquer ces cas de vol. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana. Et dans la province de Makamba, certains des habitants de cette province disent qu'ils sont déroutés par les instances judiciaires quand ils se présentent à ces derniers pour s'enquérir de l'état d'avancement des dossiers de leur procès. De plus, ils accusent de ces instances de trancher des procès à leur insu. Ils ont soulevé ces problèmes dans une réunion tenue ce vendredi par le premier ministre burundais à l'endroit des administratifs et de la population de cette province. Le premier ministre dit que les agents de ces instances judiciaires devraient démissionner et demandent aux administratifs d'être près de la population. Élisée Cuisère. Ces instances judiciaires déroutent certains des habitants quand ils vont s'informer de l'état d'avancement des dossiers de leur procès. L'exemple est de la cour d'appel où ces agents orientent ces habitants dans les cours d'appel de Bujumbura ou de Bururi. Et cela à maintes reprises au moment où les procès qui étaient dans ces cours d'appel ont été transférés dans la cour d'appel de Makamba. Ils disent parcourir toutes ces cours d'appel sans succès, mais que finalement, on leur dit que leurs procès ont été tranchés. Ces habitants disent qu'ils ne comprennent pas comment leurs procès se tranchent à leur insu. Ils exposent que le parquet général et la cour d'appel surtout constituent pour eux un lourd fardeau et ajoutent qu'ils sont souvent incarcérés par les agents de sécurité en collaboration avec ceux de la justice et cela en guise de menace. Selon le premier ministre Gervain de la Kououcha, dans une réunion de ce vendredi tenue à l'endroit des administratifs et de la population de Makamba, les agents des instances judiciaires devrait démissionner. Il leur a demandé de bien appliquer la loi car les procès mal tranchés constituent une incite pour le pays. Il a aussi demandé aux agents de sécurité de ne pas s'ingérer dans les procès liés aux conflits fonciers et aux administratifs d'être près de la population. Depuis Makamba, Élisée Cuisera pour la radio Isanganiro. Merci à Élisée Cuisera. Et bien voilà, c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Et merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Élisée Cuisera pour la technique. Et juste après, c'est la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Un seul scanner est en service dans tout le pays, alerte le journal Iwachu. En effet, tous les scanners en mairie de Bujumbura sont en panne et certains malades dont les examens nécessitent l'aide de cet appareil d'imagerie médicale vivent dans le calvaire. Seul le scanner de l'hôpital général de Manda est encore fonctionnel dans tout le pays. Ce confrère rapporte qu'à l'hôpital Kira, réputé pour sa haute technologie qui attirait les patients de la région, son scanner n'est pas fonctionnel depuis plusieurs semaines. Le scanner de l'hôpital du cinquantenaire de Karoussi est aussi en panne, poursuit ce journal, qui souligne qu'une équipe de techniciens ougandais est en route pour le réparer et que dans une ou deux semaines, le service va reprendre, comme l'a déclaré un employé de cet hôpital qui explique que l'appareil est très fragile face aux coupures intempestives d'électricité. Même situation à l'hôpital Tanganyika-Kea Polyclinic. Selon les informations recueillies par cet hebdomadaire, une pièce a été réparée, mais ça n'a pas marché. Pour le moment, l'appareil a été envoyé à l'étranger pour réparation. Enfin, écrit toujours Iwachu, l'hôpital militaire de Kamenge avait annoncé un projet d'installation d'un scanner. Dr Marc Nimburanira, directeur de cet hôpital, a indiqué à son confrère que le projet leur tient à cœur, mais que sa réalisation doit attendre, puisque c'est un projet qui exige beaucoup de moyens et qu'ils vont devoir construire un bâtiment pouvant accueillir ces nouvelles installations. La pollution des rivières qui traversent la ville de Bujumbura préoccupe le ministre de l'Environnement, écrit l'agence burundaise de presse. En effet, dans sa descente en mairie de Bujumbura, effectuée mercredi 1er février 2023, Dr Santos Niragira est revenu sur la pollution du lac Tanganyika et ses rivières affluentes par les citadins eux-mêmes. À ce propos, rapporte l'ABP, Niragira n'y va pas par quatre chemins. Des mesures draconiennes vont être prises à l'endroit des gens qui polluent l'environnement et nous n'allons pas fermer les yeux à leur égard, a-t-il averti. Il a également mis en garde certaines personnes qui n'aménagent plus de fosses septiques, mais qui canalisent les excréments par tuyautage vers les rivières. Et concernant le curage du sable et l'extraction des moellons, le ministre de l'Environnement tranche le curage du sable et l'extraction des moellons dans les rivières qui traversent la ville de Bujumbura sont strictement interdits et aucune permission n'a été octroyée par le ministère de l'Environnement, a-t-il éclairé dans les colonnes de son confrère. Et à propos de la somme d'argent d'environ 500 000 francs burundais payée mensuellement par les coopératives, le ministre Niragira ne mâche pas les mots. Cette somme est insignifiante par rapport aux dépenses du gouvernement pour réparer les dommages causés, a-t-il fait remarquer dans les colonnes du quotidien Agence burundaise de presse, avec comme illustration le cas du ravin sur la rivière Nahangwa qui menaçait de part et d'autre les quartiers Kigobe et Nyakabiga, qui a coûté au gouvernement 5 milliards de francs burundais. Concernant le ravin de Mugoboka qui constitue actuellement une menace, poursuit la BP, le ministre Niragira fait savoir qu'en collaboration avec l'OPNUD, la réhabilitation de cet endroit est en cours et que le montant de 10 millions de dollars américains alloués à ce projet est déjà disponible. Arrestation d'un directeur d'école pour vol des portes de toilettes de son école, rapporte Net Press. Selon son confrère, Jean Bikorimana, directeur de l'école fondamentale de Rumonge 3, a été arrêté par la police dans l'après-midi de jeudi à son service et conduit directement devant le magistrat du parquet de Rumonge pour subir un interrogatoire. Ce directeur serait poursuivi pour vol des portes qui se trouvaient sur les latrines de son école pour aller s'en servir pour la construction de sa maison. Ce quotidien en ligne précise que ce directeur aurait été arrêté sur dénonciation et plainte de certains parents, membres du comité de gestion, qui ont constaté ce vol et qui accusent ce directeur d'avoir aussi volé des seaux et autres matériels fournis à cette école pour faire face à la pandémie du coronavirus. Ses parents demandent son remplacement à ce poste car il ne mérite plus d'être directeur d'une école, conclut Net Press. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.